30. De la loi Mickey, aux communaux créatifs. Lu par François Chenel. De la loi Mickey, aux communaux créatifs. Au moment où le logiciel libre parasite la propriété intellectuelle informatique, le droit d'auteur historique, celui de la littérature, de la musique, du cinéma, plie sous la montée en puissance du numérique. Les majors multiplient les actions juridiques contre le peer-to-peer. Les gouvernements prônent le durcissement du régime du copyright. Et les experts prérorent sur la façon de mettre au pas un réseau Internet jugé trop indocile. Pour beaucoup, il est au contraire temps d'accompagner le bouillonnement créatif du web. Des centaines de milliers d'internautes publient des textes, s'expriment, mettent en ligne des compositions. Il faut réaliser, en ce domaine, ce que Stallman a fait pour le logiciel. Théoriser et donner des outils juridiques aux créations multiformes, dont les auteurs revendiquent le libre accès plutôt qu'une terne propriété. Le professeur de droit américain, Lawrence Lessig, s'est attelé à cette tâche. Stallman et Lessig, la photo est belle, tant tout oppose les deux hommes. Richard Stallman a la dégaine du hippie, les cheveux longs et la dialectique rompue du débatteur altermondialiste. Opinâtre et visionnaire, Stallman n'en est pas moins insortable. Tout le contraire de Lawrence Lessig, professeur de droit à l'université de Harvard, puis de Stanford, issu d'une famille républicaine avec une mine de fort anthème, petites lunettes et cheveux bien coiffés. Lawrence Lessig connaît les us et coutumes des tribus politiques et juridiques, ce qui ne l'empêche pas d'être un bout de feu aussi virulent que son alter ego de la high-tech. Selon lui, Stallman est même l'homme politique actuel le plus important des États-Unis. Le logiciel libre et les inconvénients de la propriété intellectuelle appliquée à l'informatique, Lessig connaît. En 98, il était expert auprès du gouvernement américain dans le procès antitrust qui l'opposait à Microsoft. La multinationale parviendra d'ailleurs à le faire révoquer pour ses prises de position en faveur du logiciel libre. Quelque temps plus tard, on le retrouvera devant la Cour suprême, tentant d'invalider le Sony Bono Copyright Extension Act, un texte couramment baptisé Loi Mickey, signé par le président Bill Clinton en 98 et qui prorogeait le copyright de 20 années afin de satisfaire Disney, inquiet de voir sa souris tomber dans le domaine public. Cette offensive judiciaire, destinée à limiter la privatisation grandissante de la culture, se solde par un échec. Début 2003. Mais entre-temps, Lessig a changé de tactique. Tout comme Stallman, qui n'a jamais pris de front les éditeurs de logiciels propriétaires, il propose une licence adaptée au texte, à la musique et à la vidéo, fondée sur le libre accès, la Creative Commons, littéralement communaux créatifs. Je cite. Trop souvent, le débat sur le contrôle de la création oppose les extrêmes. D'un côté, on a une vision de contrôle total, un monde dans lequel la réglementation du moindre usage d'un travail et la formule tout droit réservée est la norme. De l'autre côté, une vision de l'anarchie, un monde dans lequel les créateurs jouissent d'un large spectre de liberté mais sont vulnérables à l'exploitation. L'équilibre, le compromis et la modération, qui furent les forces motrices d'un système de copyright qui valorisaient l'innovation et la protection de la même façon, sont désormais des espèces en danger. Fin de citation. La CC, comme on dit la GPL pour les logiciels libres, vise donc à se dégager d'un double écueil. Primo, elle résout un problème déjà évoqué plus haut. Par défaut, dans l'immense majorité des pays, la mise en ligne d'un dessin, d'un billet d'humeur, d'un commentaire tombe sous le régime du droit d'auteur. Il faut donc demander l'autorisation à chaque fois que l'on désire copier, réutiliser ou s'inspirer du moindre contenu trouvé sur le web, et ce, même si l'auteur est disposé à laisser circuler ses œuvres. Secondo, elle évite aux auteurs le pillage pur et simple en leur donnant un cadre juridique qui définit les droits accordés à l'utilisateur. La CC, comme la GPL, utilise le droit privatif pour créer des biens publics. Mais, à la différence de la GPL, on peut l'adapter selon ses besoins. c'est une forme de droit d'auteur sur mesure, avec un seul point commun, dans tous les cas, un contenu protégé par la CC peut être reproduit et diffusé gratuitement, ce qui en fait une licence de libre accès. Ensuite, l'auteur définit les conditions, au nombre de trois, par lesquelles il accepte ce principe de libre circulation. Premièrement, citation. L'auteur peut exiger ou non d'être cité lorsque l'œuvre est reproduite. Deuxièmement, usage commercial. L'auteur peut refuser ou non que ses travaux soient reproduits à des fins commerciales. Troisièmement, œuvre dérivée. L'auteur peut accepter ou non que son travail soit modifié par d'autres. Un compositeur peut accepter ou non qu'on remixe sa musique. Un écrivain peut accepter ou non l'adaptation de son roman. Cette dernière condition est assortie d'une option supplémentaire. L'auteur peut accepter les œuvres dérivées à condition que le travail résultant soit protégé par la même licence ou non. On retrouve ici la caractéristique virale de la GPL. Ainsi, la Creative Commons propose en fait 12 licences possibles, de la plus ouverte à la plus restrictive, et le tout accessible sans nécessité de faire appel à un juriste, car le site web de Creative Commons propose à chacun de fabriquer sa propre licence en quelques clics en répondant aux conditions énumérées plus haut.